Quoi, casse-nous une autre. Le Tchinkashin Michael, Paul Cléré, Quoi, Watsao, Makanaskina. Namustan Milton Kahigat. Namustan Milton Kasnu Inut, Mamu. Mamu Katayan, Natinutimit. Miam Nutawi, Miam Nimushum, nous. Miam Nokum, nous. Nokum Nas. Namaskanam, Natinutimit. Mustatins Kumitna, Kasnu Inuin. Chemanto. Atakoapeo. Mustamush. Bonjour, je m'appelle Michael Paul. Mon nom autochtone, Kwe Kwatsao Makanaskina. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous, puis de m'être déplacé aujourd'hui. On m'a demandé de faire une conférence, en tout cas parler du traité qui s'en vient et tout ça pour les Autochtones, pour les Innus. Donc, je remercie en même temps la vie parce qu'on est en cercle. Donc, la vie, je considère que c'est le grand cercle de la vie depuis des temps immémoriaux. Puis je remerciais comme créateur à travers ça qu'on soit ensemble. Ce que je regardais tantôt, on m'a donné un papier, Alliance Mamo. Mamo, ben, ça signifie ensemble. Puis en Innu, c'est la même chose, Mamo. C'est la même langue. Moi, mon grand-père est d'origine Innu et Atikamekw aussi. Je suis beaucoup proche avec les Atikamekw aussi. J'ai des cousins à Abidjan. Je suis Innu. Comme vous pouvez voir, je ne ressemble pas beaucoup d'un Innu. Je suis métissé. Mes deux grands-pères ont marié des Québécoises, mais pour moi, dans mon cœur, je suis Innu dans mon cœur. Et on reconnaît l'Innu, c'est un être vivant, un être humain dans la traduction. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec Innuassi, la vie, la terre, qui prend soin de cette terre et qui la respecte. Donc, tout être vivant qui est, je considère comme des Innus aussi. C'est ça le sens de l'Innu. C'est pas juste une couleur de peau, c'est dans le cœur. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Et aujourd'hui, je suis venu ici, je me suis déplacé vraiment de mon gré parce que je suis comme dans le territoire ancestral. Depuis une couple de jours, là, parce que là, c'est le temps des Innu-Aitun. Innu-Aitun, Ntemutimut, c'est les activités traditionnelles présentement. C'est la saison, la relation avec les animaux et pour la survie. Donc, moi, je suis en période de survie. Donc, j'ai pris mon temps pour m'en aller ici. Heureusement, sur mon chemin, j'ai eu un frère, une sœur qui s'est présentée à moi. Puis, grâce à elle, ben, je vais pouvoir survivre une partie de l'hiver. Ma sœur Orignal, elle s'est présentée en avant de moi, j'ai eu une offrande, puis je la remercie pour ça. Puis, ce serait pas de ça, mais je trouve que c'est le hasard fait bien les choses. Parce que ça fait longtemps qu'on m'a parlé de cette rencontre-là, que Raphaël s'est prévu là, durant l'été. Puis il savait aussi que moi, j'allais me préparer pour la chasse. Je trouve que ça tombe bien que déjà, ça c'est comme... Les astres s'alignent, comme on dit. Je ne sais pas, je ne pourrais pas expliquer, mais c'est une bonne chose. Puis, donc, c'est ça. Là, je vais faire un chant pour introniser l'alliance qu'on a, Mamou, tous les êtres vivants, pour remercier aussi l'offrande que j'ai eue, puis l'invitation aussi. Puis, je trouve que l'esprit est bon parce que là, ce temps-ci, les Sioux qui se sont levés pour protéger la terre. Puis nous, on a fait un regroupement de chasseurs-cueilleurs Innu, un regroupement traditionnel des familles. Et on a entamé des actions aussi pour notre but principal de notre regroupement. Ben, c'est justement le rôle premier, c'est de protéger la terre, Innuassi. Et aussi, un autre de notre but, c'est bloquer le traité d'autonomie gouvernementale dans lequel est engagé le Conseil de bande, qui est une créature du fédéral, en passant, le Conseil de bande. Donc, eux, ils se sont engagés dans une négociation pour négocier notre territoire. Donc, nous, on a créé ce regroupement-là pour s'opposer à ça. Mais ça, c'est pas du nez d'hier, la résistance, parce que nos aînés ont déjà lancé comme une résistance en 2001. Ils ont lancé une lettre ouverte au Conseil de bande pour dénoncer leur attitude et s'opposer aussi Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Et les aînés sont très crus. Ils disent que nos territoires sont non négociables, ne sont pas avant, et que c'est un legs qu'on a reçu en héritage de père en fils depuis des générations, depuis des millénaires. C'est des enseignements oraux. Et le Innu Te Peltomun, c'est la vie sur Innu assis en territoire. Tout ce qui inclut la culture, la langue, ce qui fait de notre identité. Le territoire, c'est notre identité, c'est notre culture, c'est là d'où ce qu'on vient. On appartient à ce territoire-là. Je dis à tort notre territoire, parce que c'est pas notre territoire. On appartient à ce territoire-là, puis toutes les êtres vivants sont reliés à ça. Et c'est un grand respect qu'on a par rapport à ça. C'est pour ça qu'on fait cette lutte-là, puis qu'on essaie de sauvegarder toutes ces valeurs-là que nos ancêtres nous ont amenées. Je vais faire un chant pour ouvrir, puis après ça, bien, je vais plus expliquer là, c'est quoi ce qui s'en vient, les enjeux, puis qu'est-ce qu'on veut faire prochainement, justement, Mamou. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir l'aide de votre collectif, là, Emma Goldman. Je suis très reconnaissant pour ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer des amis aussi à Québec. C'est le fun de faire toutes ces rencontres-là. Le Mamou, là, je trouve que c'est un bon mot, parce que c'est le cas de le dire, c'est ensemble qu'on fait la lutte. On ne peut pas faire une lutte seule. Puis je trouve ça vraiment bon. Merci. Je vous remercie d'être là. Faire un chat pour... Donc, c'était un chat qui remerciait les animaux. Merci, Michael. Mon père, les grands-pères. J'ai dit Nuitamut Inutawi Notekatayan. Je veux dire à mon père que je vais continuer, autrement dit, là, les enseignements là, qui ont été enseignés là, depuis les temps immémoriaux. Puis c'est là le respect avec la relation avec les animaux, dans le grand cercle de la vie. Pourquoi le tambour est là? Pourquoi qu'on est en cercle? Bien, c'est grâce à ses frères, les frères, tu sais, c'est pas des bétails, c'est pas un sport, c'est la survie, c'est nos frères, parce que on serait même pas ici aujourd'hui. Même vos ancêtres ont dû bénéficier de ces animaux pour pouvoir survivre, de nos frères. Sans eux, on pourrait pas parler. Puis c'est pour ça que je les remercie. Donc... on va commencer avec la conférence là, pour non-traités coloniaux, si on veut, sur la négociation des territoriales qui se fait en cours présentement. Oui, oui, OK. Je vais débuter avec la négociation globale territoriale, le plan d'autonomie gouvernementale. Tous ces mots-là, c'est des mots un peu qui ont été imposés par le gouvernement. Le gouvernement, lui, a voulu imposer, nous a imposé la loi des Indiens. Il a créé le système des réserves, donc indiennes en 1854, on a créé la réserve Mashteuiatz. On a imposé aux Autochtones de se conformer, de rester dans la réserve et de se conformer au règlement. Et il fallait suivre à la lettre les règlements du gouvernement. Depuis ce temps-là, ben, on n'a jamais cessé de toutes sortes de tentatives de nous assimiler, dont la loi des Indiens, ben, c'est une tentative de nous assimiler, de nous réglementer. On nous appelle d'abord les Indiens, selon la loi des Indiens. Est-ce que selon vous, on est des Indiens? L'Inde, on n'est pas, pas en Inde. Je veux dire, on est des Innus. Qu'on soit Anishinaabe, qu'on soit Huron ou Wendat, on a déjà des noms qui nous désignent encore aujourd'hui. Ils nous désignaient. Puis, ça, c'est tout ça, ces savoirs-là. C'est pourquoi qu'on lutte aujourd'hui. Fait que ça, ces traités-là sont été amenés avec la loi du Canada tout le temps pour nous assimiler, tout le temps pour avoir un objectif. Contrôler le territoire pour mieux l'exploiter au niveau de l'argent. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir les Innus du territoire, on va les mettre en réserve pour mieux exploiter les territoires. On va mettre une loi. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que on a créé les réserves. Fait que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, les multinationales saccagent le Chitasinu, les territoires ancestraux, à cause de cette loi-là. On va déposséder les Innus. On va tout ce plan-là, là, en l'amenant dans la réserve, ça crée un système de dépendance au gouvernement, aux rations. Ça nous a enlevé notre mode de vie dans le sens nomade, d'être libre. Fait que ça crée toutes sortes de problématiques sociales qu'on peut connaître aujourd'hui. Les pensionnats. On nous a amenés à travers les pensionnats pour enlever notre langue, pour vraiment un objectif précis. Tu sais, les gens disent la civilisation, il faut évoluer. Mais selon vous, est-ce que c'est évoluer, prendre un enfant dans son milieu, de l'amener à l'école, de lui imposer de ne plus parler sa langue? S'il parle sa langue, on va lui passer un savon, on va le battre à coups de règle, et lui interdire de parler sa propre langue, lui interdire de fréquenter son propre territoire, le déposséder. Selon vous, ça, est-ce que c'est une évolution, ça? Non, c'est une imposition. C'est le colonialisme, ça a eu lieu partout. Tous les peuples indigènes à travers le monde, la planète, ont subi ces choses-là beaucoup. Puis nous, on a été comme, peut-être, je dirais, il y en a encore, qui se fait des tribus aborigènes. Mais je dirais, on a été comme au Canada, une des dernières, là. Sûr que l'Europe, il y avait des tribus autochtones aussi. Mais donc, c'est tous ces processus-là qui ont amené le plan d'autonomie gouvernementale, ce qui se fait aujourd'hui. La problématique qu'il y a là présentement, c'est qu'il se fait comme une négociation globale territoriale. Le gouvernement, en 1982, a ouvert comme une porte aux bandes, aux conseils de bande, qui sont des créatures du fédéral, qui ont été carrément imposées par les gouvernements. C'est une structure, ils appellent ça un conseil de bande, un chef, des conseillers. Ils disent que c'est comme autochtone, mais c'est pas autochtone. C'est une structure qui est carrément comme un conseil de ville, qui a les mêmes règlements. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de conseil traditionnel, c'est pas de consensus. C'est comme une élection, c'est une oligarchie. Je ne sais pas si vous connaissez le mot oligarchie. C'est un petit groupe de gens d'élite qui se disent l'élite, qui contrôle. Donc, il y a 27% des gens qui ont voté, qui votent pour ce système-là, qui est minoritaire en passant. Fait que là, ils prennent le contrôle, puis ils décident de négocier avec le gouvernement ce qui ne leur appartient pas. Un droit millénaire, une culture. Puis ils disent, il faut évoluer. C'est ça qu'ils imposent. Mais nous, on croit qu'il y a d'autres façons d'évoluer en gardant nos cultures, en gardant notre mode de vie et en appliquant notre souveraineté aussi. Il nous appelle tout le monde. Ce que je dis, c'est pas de sortir dans la rue puis prendre la hache puis scalper tout le monde. Il y a un moyen de vivre, mamou, tu sais, mais de respecter les valeurs traditionnelles des Innus. Oui. Juste dire que Radio Canada est en train. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Mais tu sais, il y a un moyen de s'entendre sur ce territoire. Je veux dire, on est né du territoire, on fait partie de Canada, on a appelé le Canada, on a appelé ça le Québec, CAPAC. CAPAC, ça veut dire débarquer, tu sais. C'est un mot de bienvenue en partant. C'est là que je pense qu'il faut travailler. On ne peut pas, à travers les négociations globales territoriales qui se font actuellement, c'est pas un moyen de réconcilier et d'avoir aussi notre culture à travers ça, à travers ces négociations-là, sont éteintes. C'est pas un moyen pour nous de nous libérer et d'avancer demain. Moi, je pense que pour être fort, Il faut continuer à s'organiser de façon, comme on le fait depuis des millénaires, de façon orale, qui nous a été transmise par nos pères, par nos grands-pères, sous les valeurs qui se rapprochent au territoire, notre identité, notre langue. On doit continuer avec ça. Tu sais, c'est pas la compagnie. Le traité, lui, il dit, en partant, il dit aucun droit de veto. La première chose que le gouvernement a dit quand il a amené sur table la possibilité de négocier, il a dit « on va négocier une autonomie gouvernementale. Vous allez pouvoir vous gérer, vous auto-suffire, être votre propre gouvernement. » Mais c'est faux. C'est toujours sous l'aile du gouvernement. Puis à travers ça, le gouvernement, il a dit « mais on se garde l'exclusivité du droit de veto. » C'est quoi un droit de veto? Vous savez où c'est quoi? C'est un pouvoir décisionnel sur les projets économiques, sur le territoire. Fait qu'il n'a pas en partant, le gouvernement, il se garde la souveraineté, il se garde la décision. Fait que nous autres, ferme ta gueule, puis on va amener l'appel mécanique, on va faire les développements, mais vous autres, vous n'avez pas votre mot à dire. Fait que c'est ça l'autonomie gouvernementale. En partant, là, on nous enlève le droit de veto, puis on nous dit que c'est un projet qui est viable. En partant, on vient brimer le droit, notre droit. Tu sais, c'est inacceptable. Fait que moi, je dis qu'on a un droit. Tous les projets, c'est pas les multinationales qui vont venir décider sur chez nous, tu sais, nous imposer. Comme on peut voir les résultats, qu'est-ce que ça a fait dans le passé. Regardez les mines à ciel ouvert qu'il y a dans le coin de Schefferville. On voit la couleur de l'eau. On va nous dire le développement a évolué. On va nous dire les procédés ont changé. C'est plus responsable écologiquement. C'est moins d'impact sur l'environnement. Mais il y a toujours un impact qui est là. Puis alors que la loi, avec le dernier gouvernement Harper, on avait protégé quelques milliers de lacs qui étaient protégés. Du jour au lendemain, on est tombé d'une centaine de lacs, tu sais. Puis on a baissé la loi sur l'évaluation environnementale. On vient nous dire qu'on améliore nos procédés, tu sais. Il y a un recul net, là. C'est pour ça qu'il y a eu le mouvement Idle No More, d'ailleurs, qui a contesté tous ces changements de loi-là, tu sais. Puis nous autres, ce qu'on vient de contester, c'est ça, c'est contre tous ces processus-là. Notre groupement de familles traditionnelles de chasseurs-cueilleurs. Puis c'est important de conserver ça. Puis moi, je pense que ça tout démontre dans ce traité-là qu'ils veulent nous déposséder et en partant, tu sais, avec le droit de veto qui est enlevé. Puis eux autres qui ont remplacé par le droit de veto, ils disent on a négocié pas moins de 3% du territoire pour les redevances. T'sais, on s'entend-tu que c'est extrêmement minime? C'est quoi? On nous dépossède totalement. C'est une dépossession totale. C'est, on perd notre droit de veto, mais on nous donne un maigre pas moins de 3%. C'est des miettes qui tombent sur la table. C'est pas, t'sais. Moi, je me dis, territoire est non négociable. Les aînés l'ont dit aussi en 2001. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Puis la base de notre groupement, c'est ça. Puis les solutions, souvent on critique, bien, c'est d'occuper nos territoires, puis de pratiquer le Innu Tepeltomo. Miamouishkut, Miamouishumut, Miamnoutaoui, comme nos pères, comme nos grands-pères. On ne peut pas arriver à faire la vie qu'on faisait avant, mais on peut garder nos valeurs, notre culture, notre identité sur nos territoires. Puis en les pratiquant du mieux qu'on peut, avec nos savoirs, et en faisant le plus possible attention à notre environnement. Alors qu'on sait que les multinationales, c'est pas le cas. Tu sais, je veux dire, si on donne l'autorisation, si le traité se signe, la multinationale, elle va arriver, elle va s'en coalisser, là, tu sais. Elle va prendre la loi sur l'environnemental qui a été abaissée, elle va passer sa pipeline, l'énergie S, elle va la passer, ça va la passer, sa pipeline. Là. Si le traité est signé, là, c'est free for all, là. C'est les compagnies qui ont le pouvoir. Le droit de veto, il n'a plus. Fait que c'est pour ça que moi, j'en suis à réflexion que je me dis, il faut se lever. On l'a fait qu'on ne coule pas chez nous. Il y a plusieurs mouvements qui se font. Il faut solidariser la lutte pour la protection du territoire contre le colonialiste qui vient mettre un zipper dans notre bouche, parler la langue, notre culture, déposséder. Je pense que ça touche tout le monde. Touche tout le monde, ça, parce que la biodiversité est touchée là-dedans aussi. Les compagnies viennent ici, que ce soit une mine, viennent instaurer leur... qui viennent de la Chine ou qui viennent d'ailleurs, viennent instaurer leur mine. Ils s'en calissent, ils viennent ici pour l'argent, là. Tu sais, je veux dire, une fois que l'exploitation est faite, après 15-20 ans, là, ils s'en vont, eux autres. Ils s'en foutent là, que de laisser ça comme ça. Ou, tu sais, leur but, c'est de l'argent. Pourquoi tu penses que le gouvernement il a baissé les lois gouvernementales sur l'environnement? Parce qu'il veut attirer plus de compagnies. Il veut que le territoire se développe selon leur mode de pensée. Mais moi, je pense qu'il y a un autre mode de développement. Puis le mode de développement, c'est le Innu Te Peltomo, les gestions territoriales, ancestrales, traditionnelles, et aussi avec l'autosuffisance. Parce qu'on est rendu à un point où il faut s'autosuffire. La planète, il y a une surconsommation. Il faut amener un modèle de vie pour nos enfants, pour le futur. Parce que présentement, ça ne va pas bien. On voit des espèces beaucoup qui s'éteignent, beaucoup de biodiversité qui est atteinte, des maladies. Il faut sensibiliser, puis changer notre méthode de vie, notre mode de vie. Puis il n'y a rien de mieux que le Innu Te Peltomo, qui est déjà là depuis des millénaires, des enseignements qu'on a, puis la façon qu'on vit sur le territoire des Innus, pour pouvoir amener une solution à ça. Puis si tout le monde le pratique, puis le met en application, moi j'ai décidé du jour au lendemain de quitter la réserve, aller vivre sur mon territoire, bien je l'ai fait. Aujourd'hui, j'arrive du territoire, c'est ça que je fais présentement. C'est mon but, ma blonde aussi qui est là. C'est une Innu, elle sait, elle me connaît. Puis elle connaît mes valeurs, puis c'est comme ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Puis regardez les Sioux présentement qui sont en train de se lever contre les pétroles, contre les pipelines. Moi, je pense qu'il faut faire un mouvement, un geste de solidarité qui va dénoncer cette dépossession territoriale-là à travers le traité. Parce que si le traité passe, c'est free for all pour la pipeline. Tout est ouvert pour les multinationales. Moi, je pense qu'un mouvement là, qui serait intéressant, là, diviser pour mieux régner, ça, c'est ça qu'ils utilisent ici au Québec, le gouvernement et le Canada. Ils négocient avec chaque réserve, chaque conseil de bande. Moi, j'appelle ça des conseils de ville. Il y a une négociation particulière, puis ça fait des petites guerres. T'sais, là, dans les journaux, ça montre c'est les grands chevaux. Ah, les Autochtones, c'est la guerre avec les Hurons dans le parc des Laurentides. Ça, c'est faux. Ça, c'est tout le temps. Pour avoir de l'argent, c'est tout le temps les minorités oligarchiques qui imposent ça et qui viennent contrôler les médias, faire des propagandes pour encore amener une division pour mieux régner. C'est ça qui se passe. Parce que dans le cœur des gens, dans les ancêtres, dans la vraie histoire, il n'y a jamais eu de guerre avec les Hurons. Il y a toujours eu une entente. On est alliés. On est des alliés. On ne sait jamais... Moi, j'ai des amis Hurons personnellement, beaucoup. Puis je les respecte quand je les vois dans le territoire. Je dis pas que c'est chez nous. Non. On est sur le territoire. On appartient au territoire. Puis il est assez grand pour qu'on puisse le partager. C'est tout le temps dans cette vision-là. Puis c'est un esprit de partage, d'entraide. Ça, c'est les valeurs, le respect. Puis c'est pas ça qui amène la parole de la négociation. Ça amène aucun respect. Ça amène la division. Regardez dans les médias, ça crée des tensions. Il y en a un qui veut posséder plus le territoire que l'autre. Ça marche pas. C'est pas mamou, ça. C'est pas ensemble, ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les valeurs de nos ancêtres, le respect, je vais le dire encore. Je peux t'aimer tout le monde. Je peux t'aimer tout le monde. C'est ça, le respect. Puis c'est fou de continuer dans cette veine-là. Puis c'est ensemble qu'on peut réussir à avoir le dessus et de trouver une solution. Puis il faut arrêter de se faire diviser. Il faut arrêter de se faire manipuler par toutes ces multinationales, ces lois-là qui sont imposées du jour au lendemain, qui se font sans l'accord, sans la décision. T'sais. On dit que c'est une démocratie, mais il n'y a pas de démocratie. C'est imposé, c'est une dictature. C'est une dictature. Il n'y a pas de démocratie. Ça n'existe pas, la démocratie. Moi, je pense que la solution, c'est ça. Puis, il faut l'appliquer sur le terrain. Présentement, notre conseil de bande, des réunions, là, moi j'ai parti travailler tout l'été, on était dans la mobilisation, on a fait plusieurs actions l'automne passé, on a fait un blocus à Gérardville pour s'opposer contre le traité, pour dire, gars, la souveraineté, là, c'est pas le conseil de bande, puis ils n'ont pas le pouvoir de négocier nos droits millénaires. On a dit, il faut mettre un stop à ça. On s'est manifesté comme 4 fois, on est allé au Parlement, ça a fait comme beaucoup réagir Je pense que ça a notre travail sensibiliser les gens, puis que ça ralentit aussi le processus actuel du traité. Parce que tout se faisait comme dans le silence, personne ne parlait, comme si tout le monde acceptait. Fait que là, ça a fait comme un « Oh, hey, il y a du monde qui sont contre ça, tu sais. » Puis là, ils ont vu plusieurs personnes, tu sais, dans les vidéos. Ils disaient hey, « ils sont avec les Atikamekw, ils sont avec les... » Parce qu'à un moment donné, on a fait comme une mobilisation avec d'autres communautés en simultané. Fait que ça a fait comme le tour, les médias ils ont diffusé ça, ça l'a aidé. Des fois, ils diffusent des bonnes choses, des fois, des mauvaises choses, mais il y a un beau côté qu'on a eu de ça, c'est ce côté-là. Puis là, le conseil, après toutes ces manifestations-là, durant l'été, ça a été plus tranquille. Bien là, ils sont revenus à la charge, conseil de base de Machetoriade, avec un nouveau code d'utilisation du territoire. Ils ont maintenant, ils imposent un code d'utilisation. Ils ont fait des rencontres qui font consultations, qui appellent ça des consultations publiques. C'est pas des consultations, c'est pas une décision, c'est une consultation. C'est carrément... En tout cas, je trouve que c'est inacceptable. Et ils viennent imposer leur façon de faire. Ils viennent nous dire, regarde, c'est comme ça que tu dois chasser. C'est comme ça que tu dois pratiquer selon les lois de la faune québécoise. Moi, j'ai été à la rencontre. Puis tout le long de la rencontre, on parlait de loi québécoise, qu'il fallait respecter 300 mètres carrés, qu'il fallait se limiter à tel animal, qu'il fallait payer tel permis de chasse, qu'il fallait respecter des bonnes ententes, le bon voisinage. Le bon voisinage, c'est tous des règlements québécois. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à réagir parce qu'ils ont vu sur papier, ils disent hey, c'est quoi ça? Je dis ben, c'est ça le traité. C'est ça le traité. C'est ça qui s'en vient. C'est la juridiction, le Nitassinone va devenir de juridiction québécoise. Puis les gens, ils l'ont vu à rencontre. Ils se sont déplacés, la population. Ils ont commencé à ouvrir les yeux. Il y a des gens, même la famille du chef, une fille qui s'est levée dans la réunion, qui a dit, c'est quoi ça? Parce qu'il y a un point dans leur nouveau code d'utilisation qui vient d'imposer, Conseil de Barbe, qui dit qu'ils peuvent déposséder les territoires familiaux, qui est un héritage millénaire. Si pendant 60 mois, ils n'occupent pas le territoire, bien, le conseil se donne le droit de l'enlever, carrément de l'enlever, de le prendre. Voyez-vous comment est-ce que c'est? Ça, c'est... Ils prennent le contrôle, ils s'accaparent le territoire. Ça n'a jamais été... Puis ça, ils veulent être complices avec le gouvernement. Ça va être valide au moment où ils vont signer le traité. Là, ils vont le reconnaître, paf. Pour l'instant, il n'y a pas de valeur encore, ce qui n'est pas signé. Mais ça se prépare. C'est en train de se préparer, c'est ça qui arrive. T'sais, avec ce code d'utilisation-là. Moi, j'étais à la rencontre, je les ai dit, je garde votre code, là, toutes les lois, vous avez parlé des lois québécoises, vous parlez de prélèvement phonique. Dans ce code-là, il est écrit, on peut le voir sur machetoriade.ca, code d'utilisation du Tutassinou. T'sais, vous allez voir machetoriade.ca sur Google, vous allez trouver tous les codes, c'est pire qu'un bail. Tu sais, un bail, tu vas en forêt, mettons un bail québécois, là. Je ne veux pas être impoli, là. Mais le gouvernement, il impose, mettons, des restrictions pour un bail. Il faut que tu restes tant de distance. Bien, c'est plus compliqué qu'un bail. Un bail du Québec, c'est pas drôle à dire, mais c'est ça. C'est ça qui commence à faire peur aux gens. Puis les gens s'en rendent compte, mais c'est ça le traité. Ça vient carrément de nous... On va civiliser le sauvage, mais c'est ça. En bon jargon. Ça peut pas être plus... C'est ça qui se passe présentement. Puis moi, j'ai dit, gars, je ne reconnais pas votre code. J'ai dit, vous vous donnez le droit de déposséder un droit millénaire. Vous n'avez aucune compétence, aucune juridiction. J'ai dit, je ne reconnais pas ça. Puis attendez-vous à ce qu'il y ait une résistance au territoire, parce que ça ne marche pas comme ça. Vous avez été élu minoritairement. Vous êtes 27 %. Mais c'est illégitime ce que vous faites. Puis le regroupement, nous autres, des familles traditionnelles, on a déjà fait des rencontres entre les familles. Puis depuis des millénaires, il y a des rencontres, puis il y a des discussions qui se font en cercle comme ça, puis qu'on discute du territoire. Puis on le sait comment utiliser le territoire. On le sait comment pratiquer nos activités traditionnelles. On ne viendra pas nous imposer, nous dire « Hey gars, toi, il faut que tu sois à 300 mètres, il faut que tu tues un orignal, il faut que tu fasses ça. » Non, c'est pas un prélèvement phonique comme ils disent dans leur papier. C'est une relation avec nos frères, les animaux depuis des millénaires. S'il veut bien se présenter à nous, on va l'accepter et on va remercier le Créateur, mais ça se fait pas. C'est pas un prélèvement phonique, c'est pas un sport, c'est pas des lois québécoises. On peut pas définir ça. Chaque famille a une façon de le définir, une histoire. Ils nous tapent le monde, nous t'y mettent une histoire qui leur a enseignée par leur père, par leur grand-père. C'est la version de toutes ces familles-là, toutes ces histoires-là. qu'on retrouve sur le territoire, puis qu'on doit garder vivant à travers la parole orale, puis en pratique sur le territoire. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai été chassé, même si on a imposé ce code-là. J'ai pratiqué, là je pratique mes activités. Même si ils imposent ça, je le fais pareil. Je reconnais pas. Je reconnais pas le conseil sur le territoire. Le conseil de bande n'a pas juridiction. That's it. Ça, c'est ma vision, puis c'est la vision du regroupement qu'on a créé aussi. Puis il faut continuer à se battre pour conserver ces valeurs-là, parce que là, ils sont en train clairement de tout enlever ça, de nous déposséder. Donc c'est ça aujourd'hui qu'elle va dire. Là. On voit ici un peu le territoire qui est actuellement en négociation. Ça, c'est toute la partie des Innus. Ça, c'est les Atikameks. Puis, il y a aussi une revendication du côté des Hurons aussi. Toutes ces revendications-là, il faut savoir que c'est des revendications qui suivent les étapes. C'est le gouvernement qui les impose. Il faut suivre à la lettre les règlements du gouvernement. Il y a 6 étapes. Il y a la déposition de la négociation, l'entente cadre relative, l'entente de principe. Nous autres, on a signé, le conseil de bande de Machtoyat, ils ont signé une entente de principe en 2004. Après ça, vient en application le traité, la signature du traité et son application. C'est tous des traités d'autonomie gouvernementale, dits traités modernes. Ça, c'est tous des plans du gouvernement. Fait que chaque communauté a une table de négociation avec le gouvernement. Fait que c'est aussi, c'est le but du gouvernement, diviser aussi. C'est, il y en a un qui en veut plus que l'autre. Ah, il y a plus d'argent là, il y a plus d'argent là à faire là. Fait que ça crée des jalousies, des différends. Fait que c'est le but du gouvernement aussi. Mais au début, là, c'est Mamou. Puis les aînés, la plupart des aînés que je connais, c'est Mamou. Mais c'est juste une petite élite minoritaire qui est là présentement, qui se dit les décideurs pour tout le monde. T'sais, ils sont élus par 27% puis ils décident pour tout le monde. Ils viennent bafouer la langue des aînés. Les aînés l'ont dit qu'ils étaient non négociables, le territoire. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Ils respectent même pas la parole de nos aînés. C'est même pas respecté. Il y a une coalition, Innus, qui s'était fait dans le passé chez Innus. Puis ils ont adressé une lettre au conseiller. Ils ont dit, monsieur le conseiller, on en vient à dire aujourd'hui que c'est assez, que notre territoire il est non négociable. C'est un legs qu'on reçoit puis qu'on protège depuis des millénaires. Puis c'est non négociable. C'est ça qu'ont dit les aînés. Que s'il y a un livre qui a été écrit là-dessus, et ils font comme si de rien n'était. Tu sais. Il n'y a pas de respect. Aucun respect. Et c'est ça. On en est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation. Puis il y a de la sensibilisation. Puis je pense qu'avec tous les gens puis qui sont sensibilisés de plus en plus, puis à faire une action mais commune, Mamou, pour protéger le territoire. Et aussi contre le colonialisme, c'est une bonne chose. Entre autres, il faut se servir de les Sioux, là, présentement, qu'est-ce qui se passe. Il faut rallier les luttes, puis je pense que c'est important. Le moment est bon, le momentum est bon. J'en discutais d'ailleurs avec mes amis qui sont sur place. Moi, je prépare ici, j'ai pas été... Je voulais y aller là-bas, chez les Sioux. Mais ici, là... La coalition de pipeline, excusez-moi de le dire, mais elle va passer, c'est aussi la pipeline. Il faut préparer le terrain, c'est aussi. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on peut créer une lutte, et c'est ça, c'est à ça que je travaille présentement. Puis il faut faire une mobilisation en solidarité avec les Sioux aussi. Ça va... il faut faire de quoi? Puis il faut le faire ensemble. Ça coule pas chez nous, il y a beaucoup de coalitions qui sont contre le pétrole. Ben, pourquoi pas se rallier tout ensemble? Tous les écologistes, les environnementalistes, les gens qui sont sensibles à ça, c'est une cause commune. T'sais, pourquoi se diviser? Moi, je pense qu'on en est là. Puis c'est les prochaines étapes. Moi, c'est certain. Ça prend une mobilisation pour que les gens sachent clairement où ils sont, où on s'en va. chose est sûre, c'est qu'on ne s'en va pas vers ça. Les territoires sont non négociables. Les legs de nos ancêtres, de nos grands-pères, la façon de vivre, nous, t'appelles tout le monde, n'était nous timut. C'est bien beau le modernisme, là. Mais ça ne sera pas le modernisme multinational. C'est la même valeur, là. C'est non. Il n'y a pas de modernisme multinational chez nous. Ah ouais. Il y a une manière d'évoluer en respect avec ce qui nous entoure. Et je pense que c'est comme ça, la solution. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mika. C'est ça que... Excusez-moi si des fois j'avais comme des airs de frustré, de fâché. Des fois, ça m'emporte. Si vous avez des questions, en tout cas, j'aime pas. Ça me fait plaisir, je suis là. Quel port est-ce que vous pensez? Comment vous pensez que vous pouvez l'occuper? Puis, 20 000 lignes, c'est comme une poignée d'hommes, là, pour ouais. Alors, quelles sont les alliances qu'on peut faire pour justement vous supporter là-dedans? Ben, le territoire, parce que votre territoire, ça devient le nôtre. Ouais. On reconnaît qu'on peut le voler quelque part. Donc, comment on peut réparer, comment on peut vous appuyer dans votre propre lutte, parce que ça devient la nôtre. OK. Ben, moi, je pense que d'abord, notre territoire, on peut faire un X sur ça. C'est pas une possession. Nous, on était là depuis longtemps. Peut-être on nous appelle les Premières Nations, pas pour rien. Mais je veux dire une chose, on peut pas, on est 20 000 Innus, mais il y a d'autres, il y a les Cris, il y a 12 nations amérindiennes, tout ça. Moi, je pense que là-dedans, là, il faut se rassembler avec les gens. Parce que des êtres vivants qui respectent, pour moi, quelqu'un qui va respecter, il faut que les gens se sensibilisent. Moi, je pense que les gens qui vont se sensibiliser, qu'ils soient Québécois, qu'ils soient d'une autre race, n'importe quelle race, le grand cercle de toutes les races, de toutes les directions. On vit toute la même air, on respire toute la même air sur la Terre. Puis chacun dépend d'une autre espèce. Si les gens se conscientisent à ça, à changer notre façon de vivre, être moins dépendant de la multinationale, puis de s'autosuffire, puis de solidariser la lutte avec les Autochtones, les non-Autochtones, sur notre façon de vivre, il y a de la place pour tout le monde. La Terre est pour tous. C'est pas une propriété. Mais il faut la respecter. Si on la respecte pas, ben il y a des mouvements comme ça. C'est pour ça qu'on a fait un regroupement. Mais je pense qu'il y a une place pour tous. Maintenant. C'est ça. Mais c'est ça que je pense. Il y a une place pour tout le monde. Ça appartient pas à personne. Ça nous est prêté. Il faut en prendre soin. Puis c'est ça que je pense. Puis il y a de la place pour tout le monde. C'est très grand. Ouais, ouais. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ouais, ouais, moi j'ai une question. Ici, il est écrit qu'il ouais. y a des blocages qui ont déjà eu lieu. Oui. Qu'il y a des actions qui sont planifiées. Oui. C'est quoi ces actions-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour. Okay. OK, les actions, bien, c'est souvent qu'on a fait, c'est des rencontres, comme on fait aujourd'hui. On se rencontre en territoire, on pratique la culture, en fait, nos activités traditionnelles, en forêt, ou peu importe, des rassemblements qu'on va se faire. Nous, ce qu'on a fait, comme dans le passé, on a fait un rassemblement en territoire à Gérardville. On a fait aussi un autre rassemblement dans le qu'on appelle le parc de Chibougamau, comme il y avait des Atikameks avec nous, on avait mis des tentements, on s'était rassemblés, puis là on a discuté l'importance de, comme on fait aujourd'hui, le respect, de protéger les valeurs de nos ancêtres, de protéger nous aussi. Puis c'est en même temps une manifeste, si on veut, ou plus vraiment une affirmation territoriale, parce qu'on était sur les territoires ancestraux, et donc tu peux pas empêcher Première Nation de pratiquer son droit, là, tu sais, sa culture et en territoire. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que même si la vanne de résolue à passe, ben c'est bien dommage pour la vanne, mais il y a une activité traditionnelle. C'est dans ce sens-là. Puis les traités, ben, nous autres, on n'en veut pas de traités. Fait que c'était ça le rassemblement. Fait que les prochains, les prochains rassemblements, je pense que là, présentement, gars, on voit les Sioux, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont en train de bloquer la pipe. On en est rendu là, tu sais. Il faut affirmer notre présence, il faut tenir. Puis, il y a des gestes de solidarité. Il n'y a pas juste des Autochtones qui sont là. Il y a des gens de partout. Puis, c'est comme ça. C'est ça, les prochaines actions, moi, que... C'est pas moi tout seul qui va faire l'action, mais c'est ensemble qu'on peut le faire, puis il faut... Mais est-ce que vous avez pensé à des actions? Oui. Ouais? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Certain. Certain, puis il faut, parce que... Moi, j'ai pensé justement à faire une action, commencer le dacté avec les Sioux. Là, ce qui se passe présentement. Parce que là, le traité, lui, s'il passe, la pipeline, la compagnie, c'est elle qui a le pouvoir. Elle a le droit de veto. Il nous enlève le droit de veto en partant avec le traité. Fait qu'automatiquement, quand il y a une signature qui est signée, là, c'est la compagnie, c'est la loi de la compagnie. C'est la chanson de Richard Desjardins. Hein? La loi de la compagnie, mais c'est ça. Fait que moi, la compagnie TransEnergie S ou le pétrole, je ne m'en vais pas. C'est sûr que là, une action, moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Faire une action comme en solidarité avec, justement, se rassembler. Je pense que ça serait la solution. Par rapport aux Sioux? Bien, avec les Sioux, parce qu'ils montrent l'exemple, là, présentement. Ils sont en train de montrer comment faire, l'exemple. Là. Ils sont combien, présentement, là, dans l'Assemblée? Là? Les Sioux sont combien? Combien qui sont rassemblés? Là? Ils sont en train de démontrer, de montrer le chemin, comment faire. Une action de souveraineté, ça, c'en est une action de souveraineté qu'ils font présentement. Puis c'est ça qui est... C'est par ça la clé. C'est la clé pour réussir. On voit que ça fonctionne, eux, présentement. Tant aussi longtemps qu'ils vont rester là. Mais ça, là, c'est pas passé encore. Là. Non. Bon, mais c'est ça. Moi, je parle par rapport à ça. Ouais. Est-ce que vous avez des actions prévues par rapport à ça? Oui. Bon, mais c'est ça, c'est quoi ces actions dans le coup? Hein? Oui, oui. Ben là, présentement, les actions, comme je te dis, je ne peux pas vraiment te dire exactement parce qu'il n'y a rien de décidé, là, de concret. Là. Mais le rôle premier de notre groupement, c'est de s'opposer au traité. Puis le rôle aussi premier du regroupement, c'est de protéger nous assis. Puis on est en alliance aussi avec d'autres membres là, de la Côte-Nord, des militants aussi. Fait que c'est sûr qu'on est... Nous autres, on est prêts là, à faire une action. Mais on ne sait pas quand. On mais... va pouvoir s'échanger nos coordonnées. Comme ça, quand il va avoir une action, tu vas pouvoir communiquer avec les gens qui veulent te supporter. Ben oui, c'est certain. Oui, oui, oui, c'est certain. Parce que je ne peux pas dire là quand, c'est pas décidé encore. Mais moi, mon oreille est attentive à ça. Mais... Il y a pas mal d'actions déjà. Oui, il y a beaucoup d'actions. C'est la continuité. Oui, c'est la continuité, c'est ça. Oui, exactement. Exactement, c'est certain. Puis là, le monde se réveille, commence à se réveiller plus aussi, fait qu'il faut s'attendre que ça grossisse parce que les gens voient l'ampleur de ce qui s'en vient dans le document. Puis là, ils voient comme le nouveau code d'utilisation du territoire que le Conseil vient imposer. Là, ils sont rendus dans les réunions, puis on a vu des gens qui se sont opposés à ça, là, vraiment des jeunes, là, qui disent « Gars, le Conseil, il n'y a pas d'affaires à venir... décider, déposséder quelqu'un, venir dire « Ah, gars, ça, c'est à toi, ça, moi, je le prends. » Ça se fait oralement, tu sais. Depuis des millénaires, ces gestions territoriales-là, tu sais, traditionnelles, tu sais, se font comme dans enseignements oraux. C'est pas... Il n'y a pas à venir avec un papier, avec un... c'est ça qu'elle disait, la fille, dans la réunion, là, qu'elle avait appris de son père, de sa mère, de son grand-père... Fait que là, tu sais, elle était comme fâchée après le conseil, parce que le conseil se donnait le droit de prendre les territoires, là, c'est sûr que ça commence à se réveiller, parce que là, c'est sur papier. Ça commence à être détaillé avec des lois québécoises, qui voient l'impact du traité qui s'en vient. Question. Ça crée quelle atmosphère à l'intérieur de la communauté, ça, le fait que je te dirais que ça crée quand même des tensions. Ça, je te le cacherai pas. Division, c'est normal. Ça fait partie. Mais les gens commencent à comprendre de plus en plus. Mais c'est sûr qu'au départ, là, ça a créé comme... qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Je veux dire, pourquoi ils font ça? Puis Mais là, les gens commencent à mieux comprendre pourquoi qu'on se mobilise et tout ça. Là, il a crié pour... on a même comme une proposition de solution aussi à travers ça. C'est sûr que là, les gens commencent à comprendre. Mais c'est pas évident au départ. C'est pas évident. Au début, ça crée comme des divisions. Ça, c'est normal. Mais je pense qu'à quelque part, les gens commencent à se conscientiser de ce qui s'en vient. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où c'est vraiment conseil de bande puis traditionnaliste? Est-ce qu'il y a un mariage possible à faire entre les deux? OK. Un mariage entre moderniste et traditionaliste, si tu veux. Non, bien, je veux dire, le traité qu'ils ont signé, c'était pour s'opposer, je veux dire, au pipeline. Ah, OK, OK. À, on... Je n'étais pas au courant de ça. Tout le développement et des sables bitumineux. Mais je veux dire, est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose en parallèle à faire aussi? Ben oui. Mais ça serait. Oui. Est-ce qu'il y a des Inuits qui ont signé? Je n'ai pas remarqué. Je ne pense pas, là, mais. Comme le chef de la ville. Comment, me semble? Il a signé le truc. C'est pas mal un truc de chef. Ouais, mais tu sais, je veux dire, à quelque part, eux, ils signent des choses, mais par en arrière, ils s'entendent avec GNL. Tu sais, ouais, c'est pas en eau profonde, ils s'entendent avec les compagnies. À un moment donné, il faut voir du concret. C'est ça qui est difficile à démêler pour nous, tu sais, je veux dire, parce qu'il y a certains chefs qu'on connaît, puis ils ont l'air bien ouverts, je veux dire, à résister, puis comme tu dis, en arrière, ils font des choses. Mais comment trouver les bonnes personnes pour s'unir dans ma mot, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas nécessairement... Les personnes clés. Moi, c'est ça, tu sais, qui ne font pas de destruction, mais qui font du bien, tu sais. C'est sûr que c'est pas évident parce qu'au départ, un conseiller ou un chef, lui, il assermente la reine en partant. Son mandat. Fait qu'il assermente la common law. Fait que, à quelque part, lui, il va faire son rôle de chef, de politicien. Il va sympathiser avec les opposants, c'est sûr. Il va dire « Ah oui, on va protéger le territoire. » Après ça, il va aller voir, s'entendre avec les compagnies. Tu sais, c'est sa game, c'est ça la politique. T'sais, diviser, fait que là, à un moment donné, on vient mêler là-dedans. T'sais. Donc, lui, il disait qu'il voulait faire protéger, mais là, il ne fait pas. C'est sûr que c'est pas évident. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'aller voir des chefs spirituels qui sont pas reliés avec les conseils, mais des chefs spirituels traditionnels, comme, exemple, M. Coucou, Charles Coucou, d'autres gens comme ça qui sont des modèles, qui sont déjà engagés, comme Jeannette Pilot, Cabal, tu sais, mon ami Cabal. Il y a plein de gens comme ça, là, qui, les traditionnalistes, là, qui sont pas reliés, là, avec, qui ont vraiment une conviction. Je pense que c'est ces guides-là, ces chefs-là spirituels là, qui ont donné une force au mouvement. S'il y a des chefs en arrière qui veulent suivre, OK, mais il faut voir qu'il déchire son papier, qu'il a fait la sermentation à la reine. Si tu déchires ton papier, on va pouvoir te faire confiance, peut-être. Il y a beaucoup au Québec, en région, des jeunes qui retournent vers les lieux qu'ils habitaient avant, là, je veux dire, de leurs parents, leurs grands-parents. Ils apportent avec eux leur propre travail, je veux dire, ils vont faire une ferme bio, ils vont ouvrir des trucs d'artisanat, whatever. Puis à ce moment-là, ils reprennent pied dans la vie du village, ils assistent au conseil, je veux dire. Donc ça fait un poids de nouveauté qui s'oppose, je veux dire, à l'ancien qui veut tout donner aux compagnies puis qui attend que des compagnies qui viennent les sauver. Mais est-ce que, je veux dire, il y a un mouvement comme ça qui s'organise dans les différents, je veux dire, peuples autochtones pour faire la même chose? Parce que, je veux dire, c'est facile de critiquer le chef. Ouais. Mais je veux dire, faut mettre des actions. Faut y aller localement. C'est localement c'est sûr qu'il faut être tous ensemble. Oui. Il faut aussi agir localement pour changer la donne de ces personnes-là. Tu sais, je veux dire, représenter contre eux, organiser, ouais. Même si moi personnellement au niveau de la politique, là, je ne crois pas une pratique politique comme ça, mais je veux dire peut-être qu'au niveau autochtone, je veux dire, il y aurait quelque chose vraiment à faire dans certaines régions clés, ça pourrait peut-être aider. C'est sûr. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui se développe d'après toi? Ben oui, ben, il y a comme les Anishinaabe qui vivent en territoire là, carrément à l'année, une organisation traditionnelle avec Madame Chief, comment elle s'appelle? Shannon Chief. Donc il y a des organisations traditionnelles qui se font en territoire. Okay. Moi j'ai commencé entre autres à appliquer un mode de vie différent en territoire aussi. Justement, renouer avec l'autosuffisance, avec des modes de développement, comme tu as parlé. Là. Moi, je trouve ça très intéressant, des développements comme les gens font, ils retournent vers les territoires, soit autochtones ou pas autochtones, mais c'est justement un bon moyen, c'est une solution. Justement, pour pas que la compagnie vienne nous mettre comme, tu sais, il n'a pas le choix, là, on s'autosuffit et puis on réussit à se donner. Ouais. On réussit à s'autosuffire et à subvenir à nos besoins de cette façon-là. Puis c'est une solution, quelque part, là, de réoccuper des territoires. Mais c'est sûr que là, présentement, les réserves font leur travail. La loi fédérale fait son travail. La dépendance là, du système, retourner à l'école, l'obligation d'aller à l'école, le système en place, fait bien son œuvre. Mais je te dirais qu'il y a des organisations qui se font traditionnelles, et même des enseignements aussi aux enfants aussi, qui se font traditionnels en territoire chez les Anishinaabe, dans l'Ouest canadien aussi, avec les New Babies, là, Freedom Babies. C'est, dans le fond, c'est comme une nation qui a décidé de retirer le numéro de barre que le gouvernement leur donne aux enfants et de leur enseigner les valeurs traditionnelles en territoire. Ils vivent en territoire à l'année, là, donc de plus en plus. Là, ça se fait tranquillement, mais ça s'agrandit. C'est sûr que c'est pas... Il faut vraiment briser là, l'état de dépendance dans lequel l'État nous a mis. C'est ça qui n'est pas évident. Parce que tout le monde est comme... C'est quoi l'automatisme aujourd'hui d'une réserve? C'est va à l'école, va étudier pour travailler. C'est le système. C'est ça. Pour alimenter le système. Pour les gens, ils se disent « Ah, il n'y a pas d'autre solution. » Ben, y en a d'autres solutions. Tu viens d'en nommer, ça, c'est ça. Je pense que c'est comme ça. C'est vraiment une bonne façon de le faire. C'est de chercher justement à trouver, rallier ces gens-là, rencontrer, faire des rencontres comme on fait aujourd'hui avec ces personnes-là et les gens qui vivent de cette façon-là. Avec les rivalités, de réintégrer cette vie-là. Ouais. C'est mieux que t'en remercier. Timoun? Ça veut dire quoi? Il pleut. Ah. Timoun à pied. Ouais, à pied. Un petit peu. C'est du travail, pas moi de ça. La loi, chose à exprimer. La loi de la compagnie. C'est ça. S'exprime. La compagnie s'exprime. Ouais, ouais. On était allé à c'était où là? La rivière Saint-Anne. Dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une grosse forêt de 200 ans. Ça a jamais été bûché tout. Puis là, on est ensemble. Puis ça, puis, là, il y a un gars, il arrive avec un pick-up de même. Full ball, les grosses pipes en arrière. Puis ben, là, il arrête, il nous regarde, ben, il se regarde, oh, oh, la grosse boucade noire qui sort. Là, ben, il dit, ouais, je vous comprends. Il a fuck, je comprends. Ouais, on l'avait tellement trouvé bizarre, là. Ouais. Tu sais, c'est comme. Tu sais, on est comme 50 km dans le bois, puis tu viens nous éclairer ça. Ouais, ouais. Ah, il y en a des spéciales. Il y en a toutes les sortes. Ils sont perdus. Ouais. Ils sont perdus. Oui. Les armes un peu vagabondes. Ouais. C'est ça. Ben, tu peux pas être lucide, c'est un malade, là. Tu sais, mais pas. Ouais. C'est vraiment malade. C'est vraiment la. Tu peux pas agir comme ça. Puis, c'est la rivière Saint-Anne, puis c'est la haute de l'Apocatière. C'est l'Apocatière. C'est vraiment une belle forêt, là. T'as des bouleaux, là. C'est un genre. Ah ouais, c'est vraiment. T'as marre des gros arbres. Ouais. Puis la mer qu'il y a là, il est contre énergie, parce qu'ils veulent passer là. C'est ça que. Il est forestal, parce qu'il veut aller boucher là. Ah, ouais. Non, ben, là. Puis, ouais, puis il fait tout, là. Il est allé au BAP, puis tout ça. On est allé supporter. OK. Puis, c'est ça, c'est vraiment. Moi, j'ai jamais vu des belles forêts de même, là, en tout cas, à date, là. Ouais. Pas souvent dans le bois. OK. C'est le fun. C'est le fun que. Ouais, vraiment. Et lui, pour lui, c'était spécial. Ah, ben, de rien. Tu es miscomitaine, oui, tu es moi. Tu es miscomitaine. Tony Spelt, quoi qu'il se passe, il va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après? Ben, on a un autre atelier sur Énergie Saguenay. Sur le projet. C'est des gens de. Je sais pas si tu connais les gens de boréalisation. C'est des gens qui travaillent beaucoup dans la forêt boréale. Puis à la protéger. Puis qui ont monté un dossier sur l'énergie Saguenay, le projet. Okay. Pour dénoncer ça. Ok, ça c'est on parle de pipeline qui va passer le gaz naturel. Ouais. Justement. Le même Gilbert Dominique qui a signé un partenariat avec la compagnie. Oui, oui. Uh-huh. Quand ça commence là? Oui, oui, juste après toi. Okay. Puis après ça, c'est Mamo. Mamo? Penses-tu rester? Ce serait vraiment cool que tu sois là. Si tu peux.